Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce soir, nous ferons face à César, affronterons les légions romaines, la guerre des Gaules en main. L'histoire nous le dit, ferrailler contre César, c'est s'exposer à la défaite, être massacré à Avaricum ou tout au mieux être amputé d'une main à Oxolodunum. On le sait, les Gaulois n'étaient pas à la hauteur des compétences militaires adverses, mais pour autant, comment ont-ils résisté face à l'envahisseur ? Pour en parler, Sophie Kroos, bonjour. Bonjour. Archéologue de terrain, j'ai souvenir de vos fouilles préventives. Vous êtes proto-historienne et maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne. Au travers de batailles, vous traquez un peuple dont je ne savais pas grand-chose, hormis leur rare mention par César. Sophie Kroos, qui sont les Bituriges ? Alors, les Bituriges, c'est l'un des plus grands peuples de la Gaule. Alors, ils sont connus, bien sûr, par César, mais ils sont aujourd'hui surtout connus par l'archéologie. Donc, c'est un des peuples qui possède un des plus grands territoires de la Gaule centrale, à côté des Arvernes, des Lémovis et des Éduins, qui sont aussi très connus, et donc qui forment une espèce de grand territoire au centre de la Gaule. Et donc, les Bituriges font partie de ces très grands territoires. Et c'est un peuple puissant, un peuple gaulois puissant. Alors on suppose que oui, ils ont été puissants, peut-être pas tout au long de leur histoire. Alors on a on a la chance d'avoir une mention historique très ancienne, qui est celle d'un roi qui s'appelle Ambigatus et qui aurait vécu vers 600 avant Jésus-Christ. Et ce roi était, d'après le texte que nous avons, qui est un texte de Tite Live, aurait été le roi de la Celtique, le roi de toute la Celtique. Donc avec cette royauté, alors qui est mythique, hein, bien sûr, puisqu'il n'y a que cette mention qui nous indique l'existence de ce roi. Cette responsabilité de la Celtique tendrait effectivement à indiquer que depuis très longtemps, et peut-être au moins depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Bituriges étaient un peuple extrêmement puissant. En tout cas, au 1er siècle avant notre ère, dans les années 50-60 avant Jésus-Christ, les Bituriges sont en perte de vitesse. Ils seraient sujets ou clients d'un autre peuple bien plus puissant. Alors le fait qu'il soit client, c'est-à-dire qu'il soit, enfin, ce n'est pas un signe de vassalité, hein, le fait d'être client, c'est plutôt une relation d'alliance, hein, qu'ils avaient avec les Éduins, puisqu'il s'agit en l'occurrence du peuple des Éduins, qui est aussi un peuple extrêmement puissant. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, à l'époque où César a envahi la Gaule au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, il arrive en Gaule face à des territoires indépendants, dont certains sont encore des royaumes probablement, d'autres de petits états. Et certains de ces territoires indépendants sont en alliance les uns avec les autres, les Bituriges étant des alliés des Éduins, ce qui n'implique pas qu'ils étaient forcément en perte de vitesse. Mais c'est vrai que, si vous faites cette allusion, peut-être, c'est parce que les Bituriges ne sont cités dans la guerre des Gaules qu'au livre 7, donc assez tard, hein, dans l'œuvre de César. Mais il est possible qu'ils ne soient pas cités auparavant parce que ils n'ont pas posé de problème au général romain. Ils se sont sans doute tenus tranquilles jusqu'en 52 avant Jésus-Christ. Tout commence à l'hiver 52 par un crime atroce qui marque le début de la révolte chez les Carnutes. Pour se venger, César marche sur le Berry et la forteresse de Noviodurum, c'est bien ça ? Alors effectivement, ce qui se passe, et c'est ce qui va déclencher en fait qui va précipiter la fin de la guerre des Gaules jusqu'à la bataille d'Alésia, c'est ce qu'on appelle la révolte des Carnutes. En fait, il s'agit d'un massacre de commerçants romains qui aurait été perpétré par des Carnutes, sans doute des habitants de la ville actuelle d'Orléans, qui s'appelle à l'époque Cénabum. Et donc des Carnutes massacrent ces commerçants, sans doute pour se venger de quelque chose, enfin on ne sait pas très bien, et César va, pour se venger à son tour de ce massacre, détruire la ville d'Orléans, massacrer la population, et il va directement foncer sur Avaricum, qui est la capitale des Bituriges. Entre-temps, il s'arrête à Noviodunum, donc qui est un oppidum qui se trouve sur sa route, après avoir passé la Loire, et qui aujourd'hui est identifié à Nain-sur-Beuvron, qui est une toute petite commune, mais avec un énorme rempart en plein milieu, donc qui signale la présence d'un oppidum. Alors ça paraît curieux, il y a une révolte chez les Carnutes, et pour finir, César se dirige au cœur du Berry, et donc chez les Bituriges. Oui, parce que cette révolte des Carnutes, en fait, elle va marquer le début de la création de la Ligue de Vercingétorix. C'est à ce moment-là que Vercingétorix entre en scène dans le livre 7 de la Guerre des Gaules. Et César le dit d'ailleurs, le massacre des commerçants de Cénabome arrive jusque chez les Arvernes, donc jusqu'en Auvergne, aux oreilles de Vercingétorix. Et c'est à ce moment-là, en fait, cette espèce de coup de force des Carnutes va sans doute précipiter le montage de cette Ligue autour de Vercingétorix, et les Bituriges vont entrer à ce moment-là dans le récit de César, parce qu'ils vont s'allier au roi Arverne, donc à Vercingétorix, comme d'autres tribus gauloises d'ailleurs, et donc César va naturellement se diriger vers Avaricum pour essayer de tuer dans l'œuf, en fait, cette ligne qui est en train de se constituer. Sophie Kraus, disons-le tout de suite, vous avez retrouvé, vous, Noviodunum? Alors, je l'espère. On n'est jamais complètement sûr de la localisation de ces sites. Hein. C'est toujours un problème tant qu'on n'a pas d'inscription épigraphique. Mais d'après les indications que nous donne César, sur les distances, sur la localisation des oppidas les uns par rapport aux autres, oui, on estime qu'on a retrouvé Noviodunum à Nain-sur-Beuvron. En plus, ce nom de Nain-sur-Beuvron, sur le plan linguistique, est bien un dérivé de Noviodunum. Que reste-t-il sur le terrain? Alors sur le terrain, il reste un énorme rempart qui mesure encore une dizaine de mètres de hauteur. Devant ce rempart, il y a un très très grand fossé. Et donc c'est un site qui fait environ 7 hectares dans lequel le village actuel de Nain-sur-Beuvron est installé. Alors il n'y a jamais eu de fouille, donc pour l'instant on ne peut pas démontrer qu'il s'agit bien de cet emplacement. On a retrouvé des vestiges gallo-romains, mais pour le moment pas de vestiges gaulois. Donc en fait, comme beaucoup d'autres sites de ce type-là, qui sont identifiables à la fois dans le texte de César et sur le terrain, eh bien il faudrait faire des fouilles pour pouvoir démontrer qu'il y a bien eu une installation avec un habitat de cette époque. La prise de la ville par César a été violente? Alors, elle a été violente et assez cocasse, en fait, parce que quand les habitants de Noviodunum, donc qui est un petit oppidum qui se trouve à environ 30 km au sud d'Orléans, ont vu arriver l'armée de César, ils ont pris peur, ils n'ont pas voulu se battre, hein, et ils ont proposé à César de se rendre. Alors César a accepté cette reddition sans combattre, ce qui devait l'arranger aussi, lui, de son côté. Et au moment où les habitants de Noviodunum donnaient à César ce qu'il demandait, c'est-à-dire des otages, des chevaux, eh bien l'armée de Vercingétorix est arrivée. Les habitants de Noviodunum l'ont vu arriver au loin. Ils se sont enfermés dans l'oppidum et ils se sont mis à combattre. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu cette bataille. Vous me parlez d'oppidum, on peut dire quoi? Une ville fortifiée? Absolument. Les oppidas, alors c'est un terme que César utilise, que les archéologues qui sont spécialistes de l'âge du fer utilisent aussi. Mais ce terme-là est un terme propre à César et qui signifie à la fois forteresse, qui n'implique pas forcément une situation en hauteur. C'est ce qu'on a cru pendant très longtemps, mais aujourd'hui on sait qu'il y a des oppidas de hauteur, donc des sites fortifiés qui sont installés sur des collines plus ou moins élevées. Ça dépend des régions, ça dépend des possibilités topographiques qui sont offertes par ces régions. Mais il existe aussi des oppidas qu'on appelle de plaine, donc qui sont situés en plaine avec un rempart. Donc c'est le même modèle de site, soit en hauteur, soit en plaine. Alors celui de Nain-sur-Beuvron, puisque c'est celui dont on parle, se trouve sur une toute petite colline, puisque c'est en pleine Sologne, qui est un terrain plutôt plat, mais bon, par endroits, on a des espèces de petits reliefs. Donc ce n'est pas une grande hauteur, comme certains oppidas, comme certains grands oppidas, comme Clermont-Ferrand, par exemple, comme Gergovie, donc qui est sur une hauteur très très élevée, mais Noviodunum est quand même sur une petite colline. Sophie Kraus, des villes, des forteresses évoquées dans la Guerre des Gaules resteraient encore à identifier sur le terrain par les archéologues? Alors ça dépend des régions. Chez les Bituriges, on pense aujourd'hui, après une quarantaine d'années de fouilles et de travaux de prospection archéologique très intensifs par l'équipe dont je fais partie, nous pensons que nous avons découvert tous les grands oppidas qui existent. Il y en a 7, dont à Varicom, la capitale. Donc tous ces grands oppidas sont identifiables grâce à des remparts qui sont de très très grandes dimensions. En revanche, ce dont on n'est pas sûr d'avoir trouvé dans leur intégralité, ce sont tous les oppidas de petite taille, les villes, les petites villes, les petits villages, les fermes qui pouvaient exister autour de ces très grandes villes. Ça fait combien d'hectares une petite ville gauloise ? En général, 10-15 hectares ? Les oppidas, oui. Alors ça dépend vraiment des régions, ça dépend des territoires, et ça dépend des peuples, hein, en fait. Chez les Bituriges, on a une taille standard d'oppidum entre 20 et 25 hectares, enclos par le rempart. Alors ça ne veut pas dire que la ville ne fait que 20 ou 25 hectares, puisque souvent, en fait, ces oppidas sont beaucoup plus vastes. Celui sur lequel je travaille, par exemple, à Châteaumeillan, est installé sur un promontoire de 60 hectares. Mais sur ces 60 hectares, seule la partie sud qui est fortifiée sur 25 hectares. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire aussi que sur ces oppidas, on a une partie fortifiée qui est le cœur de l'agglomération et aussi d'autres terrains autour qui peuvent être liés à des jardins, des prairies ou des emplacements agricoles. Pas très loin de votre endroit de recherche, votre lieu de recherche, il y aurait Gorgobina qui resterait à trouver ? Alors oui, Gorgobina est un problème parce que c'est un site qui est mentionné par César dans la guerre des Gaules, mais une fois seulement. Et ce nom, bon, un petit peu étrange, qu'on trouve dans certains manuscrits de César d'ailleurs sous l'appellation de Gortona, bon, ce qui est pas très éloigné, est attribué par César à un peuple qui est celui des Boyens, donc qui n'est pas un peuple gaulois. Ces Boyens, en fait, ce sont des Celtes originaires d'Europe centrale qui ont accompagné les Helvètes en 58 avant Jésus-Christ, au moment de leur migration. Les Helvètes sont partis d'Helvétie, donc de Suisse. Ils avaient l'intention d'aller vers l'ouest de la France, chez les Pictons, chez les Santons. Et les Boyens, donc, les ont accompagnés, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, comme vous le savez sans doute, les Helvètes n'arriveront jamais jusque chez les Santons, puisqu'ils vont être défaits par César à Bibracte, hein, la fameuse bataille de Bibracte en 58. Et au moment de cette défaite, César oblige les Helvètes à rentrer chez eux. Mais les Boyens, qui ne sont pas des Helvètes et qui sont venus de beaucoup plus loin, puisqu'ils venaient d'Europe centrale... De Bohême. Exactement, de Bohême, c'est ce que leur nom indique. Eh bien, les Boyens ne veulent pas rentrer et demandent, en fait, aux Éduins, puisqu'ils sont devant Bibracte, de les accueillir chez eux. Et César accepte cela. Et il va les placer dans un petit territoire appartenant aux Éduins, probablement parce qu'il a l'intention de les réutiliser peut-être un peu plus tard. C'est ce qu'il fera d'ailleurs pendant la guerre des Gaules. Il va leur demander, par exemple, du ravitaillement pour ses troupes et pour ses animaux. Alors, on ne sait pas exactement où se trouve cette ville des Boyens, mais il est tout à fait probable qu'elle se trouve à Sancerre, sur la rive gauche de la Loire, dans la mesure où cette rive gauche de la Loire appartenait très probablement aux Éduins au moment de la guerre des Gaules. Après Noviodunum, désormais pour mieux les détruire, César marche sur la capitale des Bituriges, Avaricum, qu'il ne peut prendre par un coup de force ? Alors non, il n'a pas l'intention de prendre par un coup de force, c'est pourtant ce qu'il avait fait à Sénabum, donc à Orléans, quelques mois plus tôt. Il dit que il aurait préféré faire un siège comme celui d'Alésia, avec une circonvallation, donc entourer la ville pour empêcher les Gaulois de sortir, aussi pour empêcher d'autres Gaulois de venir les secourir, mais il ne peut pas le faire à cause des marécages qui entourent la ville de Bourges et qui entourent toujours aujourd'hui la ville de Bourges, même si dans certains secteurs ces marécages ont été asséchés, mais à l'époque de César, il le décrit très bien, hein, l'oppidum, qui est un promontoire qui fait une dizaine de mètres de hauteur, une espèce de petite montagne de 50 hectares environ. Cet oppidum est entouré intégralement de marécages. Donc il ne peut pas installer une circonvallation et il décide de construire une rampe d'assaut. Il fait aussi un temps de chien en mois d'avril et de mai en territoire berrichon. Que voient les Gaulois derrière leurs remparts ? Alors effectivement, il fait un temps très pénible, aussi bien pour les Gaulois que pour les Romains. Le siège va prendre 25 jours à César, entre la mi-mars et la mi-avril 52 avant Jésus-Christ. Et donc ce que voient les Gaulois derrière le rempart, c'est certainement une image absolument terrifiante, celle de l'installation d'une rampe d'assaut gigantesque. C'est certainement la plus grande que César va construire. Elle fait 100 mètres de long et 24 mètres de hauteur. Et cette rampe a pour objectif de faire rouler deux tours d'assaut qui vont permettre à César de passer par-dessus le rempart gaulois et d'entrer dans la ville de cette manière. Elle se présente comment, cette rampe ? Alors, il n'en reste malheureusement aucun vestige sur le terrain. Bon, ce qui est un petit peu normal, puisque c'est une sorte de bâtiment très éphémère, c'était pas fait pour durer. C'est de la terre et du bois. Tout à fait. C'est une accumulation de matériaux qu'il prend sur place, que les légionnaires prélèvent sur place, peut-être à partir de bâtiments en bois démontés, de troncs qu'ils vont couper dans les forêts alentours, et puis de toutes sortes de matériaux qu'ils peuvent accumuler pour fabriquer donc cette rampe, qui est en fait une sorte de voirie, qui est une rampe inclinée, donc elle ne mesure pas 24 mètres de haut partout, bien sûr, c'est un chemin incliné. Et donc ils vont mettre à peu près 20 jours pour la construire sous une pluie battante. Et les Gaulois, évidemment, vont se défendre pendant ce temps-là puisqu'ils vont mettre le feu à cette rampe, aussi bien par-dessus que par-en-dessous. C'est-à-dire qu'ils vont creuser des galeries de l'intérieur de la ville pour accéder à la rampe par-en-dessous et pour la faire effondrer. Sophie Cross, Avaricum est-il à la France ce que Masada est à Israël ? Alors peut-être dans un certain sens, alors c'est vrai que la comparaison avec Masada est un petit peu, est assez bienvenue puisque c'est l'un des seuls sites dans le monde où une rampe d'assaut est conservée. Donc là, il s'agit d'une rampe qui a été construite, alors quelques dizaines d'années après celle de d'Avaricum, puisqu'elle a été construite en 73 après Jésus-Christ par un autre général romain qui est Silva. Contre les Zélotes. Contre les Zélotes, effectivement. Donc des Juifs qui se rebellaient contre le pouvoir romain et qui se sont enfermés dans la citadelle de Masada. Et d'ailleurs, les Romains n'ont pas réussi à les déloger. Ils ont, alors eux, construit une circonvallation autour de Masada, une rampe d'assaut terrifiante pour faire rouler une énorme tour. Et quand ils sont rentrés dans Masada, un matin, tous les Zélotes s'étaient suicidés dans la nuit précédente. En tout cas, cette rampe, elle est toujours visible à Masada. Oui, elle est toujours visible et tous les archéologues qui se sont succédés à Masada ont remarqué que cette rampe, qui utilise un chemin qui était déjà sans doute un accès naturel à la citadelle de Masada, cette rampe a été renforcée par les Romains avec du bois, des rondins de bois, comme cela a sans doute été fait à Avaricum, sans doute sur le modèle de César. On peut se demander si César, qui a relaté la construction de cette rampe dans la guerre des Gaules, n'a pas servi de modèle aux généraux de l'Empire romain qui lui ont succédé dans différentes provinces de l'Empire. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Sophie Cross, les Gaulois ont-ils eux aussi la technique d'assiéger des villes, des techniques grecques ou romaines ? Sont-elles empruntées par les Celtes ? Alors ça, c'est une question qui est difficile, il est difficile d'y répondre. C'est exactement le sujet sur lequel je travaille actuellement. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de récit de siège gaulois. Donc on ne sait pas s'ils utilisaient des techniques analogues. En revanche, ce que j'ai découvert en travaillant sur les remparts gaulois, c'est que la manière dont ils les ont construits, en particulier ce qu'on appelle les remparts massifs, qui datent pour la plupart, en tout cas dans le centre de la France, du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils sont contemporains de la guerre des Gaules, eh bien ces remparts ont été construits pour faire face à la manière dont César se battait, c'est-à-dire à la polyurcétique qu'il utilisait, qui était inspirée des méthodes grecques, qui ont été mises au point par les Grecs, en particulier par Alexandre le Grand et son père Philippe de Macédoine. Ce sont des méthodes qui ont évolué par la suite, au 4e et au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui ont donné lieu à toute une série de traités qui ont été rédigés par des architectes, des ingénieurs grecs. Ce sont des traités que les Romains ont lus. Et moi, je me demande aujourd'hui si certains Gaulois, certains Celtes qui lisaient le grec, notamment comme les druides, n'avaient pas eux aussi connaissance de ces traités, puisqu'on voit bien sur ces remparts massifs, sur ces grands remparts massifs, qu'ils utilisent un certain nombre de recommandations qui sont visibles dans ces traités, notamment les traités d'Énée le Tacticien et de Philon de Byzance, qui sont des ingénieurs grecs qui ont vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors la polyhercétique, c'est bien sûr l'art de la guerre, l'art du siège et l'art de prendre une ville. Vitruve a rédigé un traité des machines de guerre. Des machines de guerre sont bien sûr présentes à Avaricum. On peut penser que Vitruve aurait été du côté de César ? Alors Vitruve a été un contemporain de César, hein. Ils avaient quelques années d'écart, ils se connaissaient bien. À Rome, Vitruve a travaillé pour César, il a été l'ingénieur de César pour un certain nombre de réalisations. Et on suppose très fortement qu'il a accompagné César dans un certain nombre de campagnes militaires. Parce que Vitruve est généralement considéré comme un architecte, mais c'est plutôt, dans l'Antiquité, ce qu'on pourrait appeler un ingénieur, hein. C'est un architecte de type ingénieur. Donc on a presque la preuve qu'il était avec César au moment où César a passé la Transalpine entre 59 et 58 avant Jésus-Christ, donc juste avant le déclenchement de la guerre des Gaules, parce que dans un passage de son ouvrage, dont De Architectura, Vitruve raconte la manière dont ils ont passé les Alpes avec tellement de détails qu'on imagine qu'il était avec lui. Mais de là à dire qu'il avait accompagné César, qu'il a accompagné César pendant toute la guerre des Gaules, ça, on n'en est pas sûr. Mais ce qui est en revanche beaucoup plus probable, c'est que César était accompagné d'ingénieurs qui devaient l'aider à calculer tous les calculs qu'il fallait faire pour les sièges et aussi pour la construction des grandes tours d'assaut qu'il a construite à Avaricum, par exemple, mais dans d'autres sièges, ou à Alésia, dans d'autres sièges de la guerre. Et puis, c'est toute une série de machines, et ça depuis le IVe siècle, la catapulte, bien sûr, la tortue à bélier, sans oublier l'hélépole qui aurait été activée par 3500 soldats. Oui, alors ça, ce sont des armes grecques hein, qui étaient mises en œuvre, surtout dans les régions méditerranéennes. Les ingénieurs qui accompagnaient Alexandre le Grand ou Philippe de Macédoine, ce sont eux qui ont inventé ces grandes machines, en fait, hein, qui lancent des pierres, des gros projectiles ou des plus petits. César, lui, avait des machines, des catapultes qui lançaient des pierres, des balistes. Et aussi d'autres machines qui ressemblent presque à des mitraillettes et qui envoyaient donc ça c'est ce qu'on appelle le scorpion et qui envoyaient des traits en métal, des petites flèches en métal. Sophie Kraus, de nombreuses fouilles se sont récemment déroulées à Bourges. A-t-on retrouvé des traces de cette bataille ? Alors non, hélas, il n'y a aucune trace pour le moment de cette bataille, mais on ne désespère pas parce qu'il y a très régulièrement des fouilles préventives dans la ville de Bourges. Il y en a encore, il y en a eu même jusqu'à cette semaine. Donc on ne désespère pas, mais Bourges est une ville, alors comme tout le monde le sait, qui a été occupée depuis les années 700 avant Jésus-Christ, sans discontinuer. Les occupations successives se sont installées toujours au même endroit, et comme on le sait, et c'est le cas dans toutes les villes, les nouveaux habitants détruisent systématiquement les vestiges de leurs prédécesseurs. Donc ces vestiges de la guerre des Gaules, malheureusement, ont disparu à l'époque romaine, ou au Moyen-Âge, malheureusement. Il semblerait quand même que sous la mairie de Bourges, on ait trouvé quelque chose. Oui, on a trouvé quelque chose, en effet, sous la mairie de Bourges. Donc c'était au milieu des années 80, en 1985 et 1987. Mon collègue Jacques Troidec, qui était à l'époque archéologue municipal de Bourges, a eu l'occasion d'observer un énorme fossé, donc qui est actuellement sous la mairie, sous l'hôtel de ville de Bourges, à l'entrée de la ville, en haut de la rue Moyenne. Et ce fossé appartient à un énorme rempart massif, donc qui est analogue à celui que je suis en train de fouiller à Châteaumeillan dans le Cher, à une soixantaine de kilomètres de Bourges. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons les batailles Biturige avec Sophie Kraus, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. Dans la topographie de la ville de Bourges, il n'y aurait pas un endroit qui pourrait cacher la fameuse rampe d'assaut de César ? Alors, non, pour l'instant, on n'a pas d'idée de la localisation exacte de cette rampe. Alors, il y a un certain nombre de schémas qui traînent dans la littérature. Alors, il y a notamment le célèbre empereur Napoléon III qui a travaillé sur cette rampe et qui l'avait placée en face de ce qu'on appelle la rue Moyenne à Bourges et qui correspond à un passage qui permet de rentrer dans l'oppidum. C'est ce que César appelle un étroit passage qui existait à son époque. Et donc Napoléon III avait imaginé que la rampe d'assaut se trouvait là. Mais en fait, ce n'est pas possible, puisque on sait aujourd'hui, et ça Napoléon III ne pouvait pas le savoir, qu'à cet endroit-là, il y a cet énorme fossé, donc la rampe ne pouvait pas être là. César décrit beaucoup les remparts gaulois. Le plus connu, bien sûr, est le Murus Gallicus, dont nous parlons souvent dans l'émission. Ces murs semblent peu efficaces. Ils n'ont surtout pas été conçus pour affronter la conquête de César. Alors non, ils ont été construits bien avant la guerre des Gaules, donc on peut en être sûr. Ils n'ont pas été construits pour faire face à l'armée romaine. Les premiers Murus Gallicus qui ont été construits, alors il en existe dans toute l'Europe et des modèles différents. Ils ont été construits en général autour de 100 avant Jésus-Christ, hein, donc une cinquantaine d'années avant la guerre des Gaules. Certains sont un peu plus anciens, peuvent remonter jusque vers 120 avant Jésus-Christ. Et on en a même construit après la guerre des Gaules, puisque à Alésia, on a découvert il y a quelques années un Murus Gallicus gallo-romain. Hein, donc ça correspond plus en fait à un modèle de construction, à la fois en terre, avec une armature en bois et un parement en pierre à l'extérieur. Ça correspond à un modèle de rempart qui est à la mode, à une période, dans une grande région, d'une grande partie de l'Europe, plutôt qu'à un modèle de rempart défensif. Les remparts de terre qui recouvrent ces fameux Murus Gallicus, donc qui sont plus récents, pourraient être en revanche une réponse à l'arrivée des légions romaines ? Oui, tout à fait. Alors ces remparts massifs qui recouvrent des Murus Gallicus, on n'en trouve que dans le centre de la Gaule. Hein. C'est vraiment une caractéristique de la région dans laquelle je travaille, en particulier des Biturriges. On en trouve aussi jusque dans le Limousin, hein. Donc c'est pas propre aux Biturriges, mais c'est manifestement propre à ces peuples du centre de la Gaule. Mais c'est peut-être lié d'abord à des questions de topographie, parce que précisément les oppidas qui se trouvent dans le centre de la Gaule, qui est une région qui n'est pas montagneuse, sont des oppidas qui ne sont pas installés sur des hauteurs, sur des reliefs très très élevés. Alors ces remparts qu'on appelle des remparts massifs, hein, donc c'est un talus de terre que l'on construit assez rapidement, en creusant un fossé et en rejetant la terre pour former un talus. Donc dans le Berry, ces talus massifs recouvrent systématiquement des Murus Gallicus, qui ont pu jouer d'ailleurs un rôle à l'intérieur du rempart en terre, comme un dispositif anti-sape, hein, par exemple, puisque une des techniques privilégiées par l'armée romaine, par les légionnaires romains, c'est de creuser des galeries dans les remparts ou sous les remparts pour passer par-dessous. Dans un rempart massif qui est énorme, hein, celui de Châteaumeillan, qui est le plus grand du centre de la France, mesure encore 14 mètres de hauteur. Alors, s'il est un petit peu abîmé, on peut estimer qu'il a mesuré à l'origine entre 15 et 16 mètres de haut, ce qui est absolument considérable. Et devant ce rempart, il y a un fossé de 45 mètres de large. L'été dernier, vous avez fouillé un de ces remparts de terre gaulois ? Oui, absolument. J'ai commencé la fouille du rempart de Châteaumeillan, alors qui avait en fait été exploré très partiellement en 1957. Et donc là, nous avons décidé de reprendre une fouille sur ce rempart, donc en juillet 2016, et que j'espère poursuivre dans les années qui viennent. Ce que vous avez trouvé, c'est des sortes de niveaux d'argile, des sortes de glacis ? Oui, absolument. Alors au départ, on pensait que, comme je viens de vous l'expliquer, que ces remparts en terre, ce sont de simples talus, un tas de terre en fait, hein, qu'on façonne très vite pour former une sorte de mur en creusant un fossé et en faisant un tas de terre. Et dans la fouille qui a été réalisée en juillet 2016 sur le site de Châteaumeillan, eh bien, il s'est avéré que ce n'était pas du tout un tas de terre, mais au contraire un rempart très élaboré, très complexe, avec d'abord un noyau d'argile qui surmonte le Murus Gallicus. Et puis, sur le côté avant du rempart, c'est-à-dire la partie qui se trouve à l'extérieur, on a une espèce de cuirasse en argile, très très très solide, très dense. Et à l'arrière, une rampe qui permet de monter au sommet et qui n'a pas la même composition. Les remparts massifs en terre pourraient-ils être l'œuvre de véritables ingénieurs gaulois, d'un vrai projet politique ? Alors je le pense, oui. C'est pour ça aussi que j'ai repris ces fouilles sur ce rempart gaulois. Et les fouilles m'ont donné raison, puisque ce rempart en terre, qui n'est pas un tas de terre, est quelque chose d'aussi complexe qu'un rempart en pierre, voire même un Murus Gallicus, qui est un rempart très compliqué. Le rempart massif est un rempart aussi complexe. Sophie Cros, juste en conclusion, quoi qu'il en soit, Avaricum paie un lourd tribut à César. Seuls 2% de la population arrivera à s'échapper. Oui, il va massacrer toute la population, les femmes, les hommes, les vieillards, les enfants, tous sont passés au fil de l'épée, comme c'est indiqué dans le texte. Donc c'est un massacre effroyable, un des plus grands massacres de cette guerre, qui n'a pas laissé de traces, malheureusement. Sophie Cros, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Louis Deloncle, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou écouter plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se penche sur le paléogénome et l'archéologie moléculaire d'extraordinaires tombes gelées dans la Sibérie méridionale.